Quand tu vas sortir le faire de gel et que tu vas voir ce qu'il fait, et si tu es là, on va voir si c'est des symboles ou si c'est des images. ثم ذاك النبي يقول له قم فيستوي قائما قال ثم يقول له أتؤمن بي أشكو مانا تي كوا موا أبخي أشكو تي كوا موا مانا كو تافي سكو تو أفي كيس كي ريبوندرا هذا لو جون ما زدت فيك إلا بصيرة لا مانا فريمون تو أكونفيرمي كو سيتي ريالمون بيان فول لو سيرك دو تير كو لو بروفيت عليه الصلاة والسلام لا مونسيوني ما فوا Vous avez le droit, elle a fait qu'augmenter. Effectivement, c'est vraiment fou. Là, maintenant, je suis sûr que c'est pas, j'ai plus de doute. Mais c'est pas le cas. Lui, il croit qu'en faisant cet épisode-là, en le tuant, c'est qu'il allait croire. Non, au contraire, oui, le haine, maintenant, je sais vraiment chez toi, le faire de Dieu. Khalad, Khalad, tout le monde dit Ya ayyuhanna, innahu la yaf'al ba'di bi ahad min al-nas. Ça sera le dernier chahid. Ça veut dire qu'il n'aura pas d'autre. Mais du Messie de Dieu. Messie de Dieu, il fera plus de mal. Il fera plus de mal. À aucune personne, parce qu'il y a la suite qui arrive, il y a des événements qui arrivent. Khala fayya khuduhu bijal, qu'est-ce que cela va-t-il faire? Il va essayer de se tenter de le tuer encore une fois. Fayya khuduhu bijal liyazbaha, il voudra l'égorger. Et à ce moment-là, fayyuj'alu ma bayna rakhbatayhi ila tarqoutihi nuhasan. Alors, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu huna, à son khuna, un collier de nuhas, un collier de fibre. Alors lui, lequel il va essayer de l'égorger, il ne pourra pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Fala yastati'u ilayhi sabila, il ne pourra pas. Qala fayakhudhu bi yadayhi wa rijlayhi, fa yaqdifu bihi, il le prendra comme ça, il le jettera. Où ça qu'il va le jeter? يغضب به فيحسب الناس أن ما قدسه إلى النار وإنما ألقي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين فهذا هو الأكبر من المارتير يعني أننا نرى المارتير الذين يموتون على اليمين والشمال في أي بلد هذا هو الأكبر من الشهيد Je laisse un à tout le voir. J'aimerais bien être. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Tu vois? Alors, il sera jeté où? Les gens vont croire qu'il est jeté au feu. Donc, en fin de compte, il est jeté où? Il gêne là. Donc, on continue l'histoire. Ça y est, nous, j'ai eu un hada. ثم تصرف الملائكة وجهه إلى بيت المقدس. على غير سلام الله. il faut que cet événement soit passé, les anges vont le repousser vers le Beit al-Maqdis. Mais on a chikma. C'est normal qu'il y ait une chikma. Parce que c'est là-bas où il va mourir. C'est là-bas où il va mourir. C'est pour ça qu'il ne peut plus prendre la route qui lui est tracée. C'est la route où il a venu. والمهدي رضي الله عنه مع أتباعه الذين عصمهم الله من فتنة الدجال أسمموا لا يغاد جل إمام المهدي وغفوا غفوا دا قصة المسيح إمام المهدي وقصوا سين غرم قصة إذا سيطانوا في الشتوى مصر إمام الشتوى غريب شعر المسيح الدجال دونك يغا أسمموا لا المهدي إسو في الله سبحانه وتعالى أدخل غريب إلى فتنة الدجال حتى إذا وطى الدجال أرض بيت المقدس وخاف أهلها منه يعني أخذون دي الفلسطين الأكتوالة la Palestine, mais c'est l'Israël qui est la Haqqa. Nous n'avons pas l'Israël. Nous n'avons pas l'Israël. Israël. Pour nous, c'est Palestine. C'est Palestine. Et on demande à la subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Et ça, c'est très proche. Il ne faut pas forcer dans longtemps. Hein. C'est très très proche. Donc, si Ibn al-Masih Isa, Ibn Maryam, il y a un zilo et le sama, il y a un manara, il y a un manara, il y a un manara, à ce moment-là, Isa il va descendre dans le manar Baïda à Dimash. Pour ceux qui sont partis en Syrie, à Damas, à la mosquée des Omeyyades, mais je vais pas m'en dire, vous n'avez qu'un manar Baïda, cherchez Dimash. Il descendra là avec deux anges qui le feront descendre. Wadi an Kataïhi ala Ajli Hatihima. Fayatawajjahu Isa alayhi salam min Dimash ila Baït al-Maqdis. Alors, de Damas, il ira en direction de où? De Beit al-Maqdis. فيدرك المهدي وقد أقمت الصلاة. إلى القيام في صلاة القيام الصبح حسن الله. وكيف تجمع كيف تجمع إلى غيرها أنصل أذان الإقامة. عيسى عليه السلام إلى غيرها أنصل أذان الإقامة. حسن الله يغفرها. إلى المهدي رضي الله عنه في صلاة القيام أصوات الإمام. كتب الله عيسى عليه السلام إلى الصبح تقدم. يكون تبغى شيء فاي فصل. كنت عيسى عليه السلام عندما ينزل ما ينزل في نبي إذا غفر كم الفوات. Il n'aura pas le statut de prophète, il aura le statut de tabi. Il suivra dès le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il suivra la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non plus la législation qu'il avait à son époque. Il y a comme imam, adilan, mahdiyan, hakaman. Il sera ça. Ce sera aussi un imam, il sera juste, il sera... ce sera une source de guidée, non, pas où il n'y a pas de problème, mais il ne sera pas prophète. Attention, il ne sera pas prophète. Donc on a dit, waqad ufinat as-salat. Fa yata'akhkharu al-mahdi. Chouf, ihtiram al-mahdi. Chouf les gens de science, les gens de foi, qu'est-ce qu'ils qadirouna à ba'd al-ba'd. Par ici, on dit, faddam dasa al-mahdina, chouf. On dit, là, faddam dasa al-mahdina. Et Isa al-mahdina, waqad ufinat as-salat. C'est sur toi que la prière, moi je dois te suivre. Et donc, effectivement, il sera derrière Al-Mahdi. Donc, فَيَتَأَخَرَ الْمَهْدِي يُصَلِّيَ عِيْسَى بِالنَّاسِ فَيَأْبَى عِيْسَى الْغُفِذْرَ وَيَقُلْ لَا لَا كَأُخِمَاتِ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْدُ أُمَرَى. Entre nous, on se suit, il n'y a pas de problème. تَكْرِمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِهَذِي الْأُمَّةِ فَيُصَلِّيَ عِيْسَى خَلْفَ الْمَهْدِي ثُمَّ يَتَوَجَّهُ عِيْسَى إِلَى الدَّجَّالِ. Faïda, aïwa, ici il y a un événement qu'il faut voir. C'est qu'à partir de quel moment Isa il va voir le Messie de Dajjal? Il va le voir au moment où il va dire l'imam va dire Sami Allah ou l'imam Hamida. Il va dire Sami Allah ou l'imam Hamida, il va voir le Messie de Dajjal en face de lui. Et qu'est-ce qu'il dira après? Khatal Allah ou Dajjal. Dès qu'il va terminer la prière, lui en attendant, le Messie de Dajjal, quand il va voir le Messie al-Huda, il va voir Isa alayhi salam, il va s'enfuir. Comment il va s'enfuir? Comme s'il fondait. Comme s'ils sont comme le sel qui est touché par l'eau. Ils font de l'arabia, il y a d'autres, il y a d'autres. Il y a d'autres, le malach, il y a d'autres, il y a d'autres. Il va s'enfuir, il va partir. Mais Isa, il s'en va pas la terre. Et s'il va dire ça, Wallah, inni laka alayka barbatan, minallah, c'est même pas la peine de t'échapper. Je te donne un coup, là où tu vas, je vais te suivre. فيدرك عيسى بن مريم المسيح الدجال عند باب اللدع. موسى كذا مغير. كذا مغير بعد الأنظار. بيان خصيص بس كسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت في باب اللدع. باب اللدع في كذا مغير. إذا مغير لا بقى. دونك المسيح الدجال. إذا تسموه ستخجي فوق غزاء باب اللدع. فباب اللدع. باب اللدع. باب اللدع. الضوير. فيقول عيسى. إِنَّ لِفِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَخُوْتَنِي. Je te dois un coup, tu ne peux pas y échapper. Il n'y a pas d'échappatoire. Il m'a un double d'Europe. فَإِذَا رَآهُ زَابَ كَمَا يَزُوبُ الْمَلْحُ فِي الْمَعْ. فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ لِفِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَخُوْتَنِي. فَيُدْرِكُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ عند باب اللدع في فلسطين فيقتله هناك. ثم يتتبعه المسلمون أنصار الدجال من اليهود. Une fois que le Messie de Dajjal va mourir à la Yid Isa, la suite, on la connaît. On connaît tous ces hadiths-là qui disent que le prophète, alayhi salatu wa salam, il dira, il viendra un moment où il dira, Ya Abdallah, Shajar, Wal Hajar, Ya Qulani, Ya Abdallah, Ta'ali, Ta'ala, Min Wara'i, Ya Houdir. Prenez-moi sur vous. On va passer à ce moment-là. À ce moment-là, l'armée de Messie de Dajjal, là, les juifs, ils vont se cacher derrière la pierre, derrière les arbres et tout ça. Et à ce moment-là, يَخْتَبِئُونَ خَلْفَ الشَّجَرْ وَالْحَجَرِ فَيُنَادِ الشَّجَرْ وَالْحَجَرِ يَا مُسْلَمْ في رواية يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِي وَرَائِي تَعَالَى فَخُذْهُ فَاقْتِلْهُ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ أحدهم خلف الحجر والشجر فينفق الله الحجر والشجرة. الله سبحانه وتعالى بإذنه il fera parler la pierre, il fera parler les arbres, Et il dira, يعني la pierre est là, dira, يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فخذه فاقتله إلا شجرة الغرقد فإنها شجرة اليهود. Sauf شجرة الغرقد, mais vous l'avez dit, c'est le cactus. والله أعلم به, est-ce que c'est le cactus ou pas, mais effectivement il y aura un arbre qui vous dit par le rapport. ولكن بإذن الله سيموتون اليهود سيموتون يبقى إذا فادي شفت الله. Il y a aussi un autre événement qu'il faut savoir, c'est que après cet événement-là, c'est Isa alayhi salam, dans d'autres hadiths qui sont mentionnés, il restera combien? Il restera 40 ans. 40 ans. Ça y est, Fadoumouch, il se mariera, il fera sa vie comme tous les hommes, tout va y amour, tout va. Le Seigneur Ali est musulman et sur lui sera fait la prière. Mais il y a un autre événement qu'il faut comprendre, c'est que entre la mort de Messie Hadjjal et les 40 ans de Seigneur Isa alayhi salam, il y aura 7 années où ce sera des années de paix, de sérénité, de mahabba, d'amour. Il n'y aura pas, les gens, ils ne seront, seront pas aimés entre eux. L'enfant, il jouera avec le serpent, il ne va pas le piquer. Le loup, il surveillera le troupeau d'agneaux. Général, le lion, il ne s'attaquera pas au plus faible. Ce sera comment, ce sera des années, mashallah. Thumma, yalbathu an-nasu ba'dahu, yani ba'd halaki ad-dajjal, sinina sab'an, laysa bayna sinina adawa. Hadith Allah Muslim ou Ahmed. Et dans un autre passage ici, dans un autre passage, il est dit dans le hadith qui est rapporté ici par Muslim et Ahmed, فَيَنْكُثُ عِيسَى فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَتَوَلَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. الحديث رواه أحمد ومسلم, هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. يرى صلى الله عليه وسلم فيه. Quand Messie Hadjjal va s'approcher de Medina, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir trois secousses. Medina va trembler trois fois. Mais elle ne va pas trembler de peur de Messie Hadjjal. Elle va trembler pour faire sortir le munafiqin et le munafiqat. Elle va sortir le fatiqat de Medina. Elle va trembler combien de fois? Trois fois, il va y avoir trois tremblements de terre à Medina. Et alors là, le munafiqin, le munafiqat, le fatiqin, etc. Tout cela, ils sortiront. Parce que la différence de monafiqin de l'époque du prophète A.S. et le monafiqin de notre époque, elle est grande. C'est quoi la différence? C'est qu'à leur époque, ils ne faisaient pas voir leur méchant. Ils ne faisaient pas voir leur hypocrisie. Quand le monafiqin est gouloué, comme au contraire, les baïens, parce que le baïen, la race de la terre, oui. Mais aujourd'hui, le monafiqin d'aujourd'hui, et ceux de cette époque-là, dans l'époque, il sera venu au grand jour. Tout le monde sera sur les hypocrites. Et il y en a déjà des hypocrites qui se voient dès maintenant. Mais nous n'avons pas ce bruit. Qu'ils savent vraiment rien à Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les juge. Nous, on ne va pas les juger. Je comprends. On ne t'aura pas. Nous, on ne t'aura pas la machine. Nous, on peut que leur faire des du'as, leur mardi. Mais s'ils font du mal pour les musulmans, on dit Allah subhanahu wa ta'ala muslimin. Qu'il est éloigné des musulmans. فترجو في المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج منها. Et pourquoi je vous ai dit que les trois tremblements de terre là, ils ne vont pas être à cause de la venue de Messie Hadjjal, mais au contraire, c'est pour faire sortir le munafiqin et le munafiqat. Parce que dans un autre hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام qui dit لا يدخلها الطاعون ولا رعب الدجال. Dans un hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام qui dit, il dit que la peste ne rentrera pas à Medina et ni la peur de Messie Hadjjal. Donc on a dit que pendant ces 7 années, est-ce que maintenant que Seigneur Isa, alayhi salam, il sera à cette époque-là ou il ne sera pas à cette époque-là? Est-ce qu'il sera vivant ou il sera mort? Est-ce que ça sera après Isa? C'est ça important. L'essentiel, c'est de savoir que Seigneur Isa, alayhi salam, lui, il va rester 40 ans, d'après ça, lui, il va se marier, il aura des enfants, bon, je ne l'ai pas mentionné, le hadith ne mentionne pas s'il va avoir des enfants ou pas, mais il mentionne qu'il sera marié, pas Yamoun, pas nous savoir avec le monde. Après ça, c'est cette année-là, est-ce qu'ils sont avant ou après? On sait que pendant cette année-là, mashallah, l'humain sera plus hâte, mais ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y aura pas d'hypocrite caché. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des gens qui seront faux pas, suivant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette année, l'imam yaghlab, l'islam yaghlab, c'est-à-dire que l'islam il reprendra sa place dans le monde. Ça veut, dire, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des menaces de l'Ukraine. Il y a une journée. Attends, je sais que tu veux, bien sûr. Parce que tu veux la tête ou dans ton relative. Moi, si je dis ça, c'est exprès. Parce que qu'est-ce qui. Si on suit après les événements, une fois qu'après il y aura un vent qui va venir et qui va souffler dans les cœurs, tous les croyants ils vont mourir. Il y a un crash. Les munafiqins, tout ça. Où étaient-ils? Ils étaient où alors? Ça prouve bien qu'ils étaient là, présents. Mais au genou, c'est-à-dire que les musulmans, à cette époque-là, ils seront en force. Ce sera ceux qui le diront, que ce sera leur parole qui marchera. Et les autres, ils seront en dessous de la parole des musulmans. C'est ça que je voulais dire. Donc, en fait, le kalam al-Masih ibn al-Kathir wa yatoul. Mais ici, pour terminer et conclure le temps, le prophète alayhi salatu wa sallam nous a donné des remèdes. Il nous a dit des choses pour se préserver en cas où il viendrait. Le hadith, le premier hadith, il dit même sami'a bid dajjal. Celui qui entendra parler du dajjal, falyi'na. Aïe, ibta'id anhu. Fa wallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Il jure le prophète alayhi salatu wa sallam. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que toi tu vas croire que oui, moi je suis croyant, il n'y a pas de problème, j'ai la foi? Le prophète alayhi salatu wa sallam dit fa wallahi. إن الرجل لام لا يأتيه وهو يحسب أنه بإخوات الإخوايات فيتبعه مما يبعث به من الشبهات إلا أثناء الشهر بميغات كي الله سبحانه وتعالى بل يدني دفع أثار يكي تفوار يكي بيمور بإذن الله طبعا ليس بإذنه هل قصة غندا عن مصفي زنجي إلي ساد هذا رجل كما الناس ولكن الله سبحانه وتعالى اللي يدني غادي الشهر باش تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Tout ça, ce sont des épreuves. Donc, la première des choses, si jamais même si il veut dire l'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut son opposé comme on vous l'a dit. Al-Hadith akhrajahu Ahmed wa ghayruhu. La deuxième des choses, c'est ta'awwud fi salat. Le prophète alayhi salatu wa sallam allamana fi salat an nata'awwada minhu. Quand on dit, bab salat al-Ibrahimiyya, اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ذكر هنا فتنة المسيح الدجال. دار الصيام شخص ودار الصيام من ديك الله. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a fait croire que l'événement ce sera un grand événement, c'est pas quelque chose qu'ils ont déjà reconnu. Troisièmement, أن يحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. Combien? Les 10 premiers versets de Sourate al-Kahf et non pas les 10 derniers. Il y a une riwayat, mais cette riwayat là, elle est dans Al-Qur'an. Si tu dis qu'il faut apprendre le dernier verset de Sourate al-Kahf, là, cette riwayat, elle est da'ifa, il y a shadda. Et ma riwayat sahiha, هذه هي. من حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف عُصِمَ من فتنة الدجال. رواه مسلم عن أبي ضرداء. أي أبي ضرداء رضي الله عنه إلى غطى في الحديث له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عُصِمَ من فتنة الدجال. إلى تسليم بغلط في الصفة عليه الصلاة والسلام من ذلك أن يكون الإنسان من سكان مكة والمدينة. C'est-à-dire quoi? Faire partie des habitants de Mecca, Medina. Si on fait partie des habitants de Mecca, Medina, Inch'Allah, on sera préservé de la fitna du Messie Dajjal. وهنا الذي أن يقولنا في المسيح الدجال وفي الحديث الباقية وإلى مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله في حديث آخر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.